Le bal des jeunes étudiants consacré au 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée s'est déroulé le 8 octobre dans les dancing de la capitale, notamment le Palais des Sports de Pyongyang et l'Arc de Triomphe, ainsi que dans toutes les provinces.